dur, les preuves sont dures. Tu penses à tirer un coup d'amertume, t'es des trocules dans ma plume. C'est pour ça la struche, la fracture. Comment tu veux pas passer le côté obscur? Quand t'essaies de t'en sortir,